voudrais rapper à l'ancienne, parler de ma haine. Le thème c'est nique la jet set de le star system. Fuck les grosses prods et les dress codes. J'suis pas le code de la mode, j'suis en mode, j'me tape à l'ancienne mode. J'carbure, j'évite les bavures, la censure et les drogues dures. Sans bling bling, j'défouraille les buildings. J'monte sur le ring sans faire de bodybuilding. Ah, j'voudrais rapper à l'ancienne, gars. J'voudrais rapper à l'ancienne, rapper en poésie. Parler de cette vie qui n'est pas easy. Lâché dans l'arène, on n'est pas happy. Si ça rappe en un speed, deux speed, fais tourner le feu speed. Car ici y'a pas de faux plis, peu de faux pas sur le MIC. 9-5 représente une équipe de déglingo. Toujours à fond et fait toujours des faux. Des fois quand tu penses trop, les larmes coulent, les flamants découlent. La haine s'installe, c'est cool. Ma poule, on se défoule. J'défouraille dans la foule, moi et mon sky pose sur les boules. Philippe tige roule, dans cagoule et des plans découlent. Toi-même tu sais ici les coups ne manquent pas. Ici sous les yeux de cœur ça vend des raids pas. A qui la faute si ce monde est plein d'horreurs. A qui la faute si on avance grâce aux erreurs. Eh gros Dieu éteins l'heure, l'univers d'une grandeur. Et nous aussi petits tu sais, des fois je me mens ce fou ici. On polie, on tue mais ça promène nos vies. Je mène ma vie en aquaplaning. Je flâne les rêves de smoking. Mais je smoke mon cassage virage. Le mauvais dérapage me fait cracher de rage. Trop de Boeing se crache, trop de gens se fâchent. Mais qui sache, pourquoi on sort les haches, pourquoi on fume le hache. Pourquoi gros, sur les temps on crache. Avec les keufs on joue à cache, cache, car faut du cash, faut du casse. Faut qu'on se casse, avant le coup de grâce, avant le coup de grâce. Il suffit d'un coup de crosse et t'y passe. Alors je parle beau gosse, car ici tu finiras avec des boss. Je suis le mec classique, banal et original. Je combats le mal originel. Je suis l'homme masqué, indétectable, indétrônable. Il faudra plus d'une preuve avant que je passe à table. T'écoutes là, c'est la musique d'un malade psychotique. Je prends des risques avec l'instru et le mental. J'ai affronté la mort, elle ne me fait plus peur. Dans la vie j'essaie de rester poli, courtois et polyvalent. Je dégaine mon stylo, mon style sur le micro. Sur un beat qui te met KO, laisse-moi prendre le micro. C'est du son pro, de l'impro, c'est du freestyle gros. Laisse-moi insérer ça sûr, les sages et les murs sont sûrs. Pour ça on assure, c'est que toi et moi sur la censure. On fait ça sans peur, avec le cœur et la rancœur. Amateur de Muay Thai, compétiteur de freestyle. C'est chaud si tu veux me taille. Fais voir ton freestyle. Fais-moi voir une compilation tech. Si t'as la tech, hey yo freestyle. Impro, Willy Boy, toujours là au micro. Un intrus qui sort du lot, comme un alligator qui sort de l'eau. Je te mets dans le coma, du poison dans ton coca. Y'aura pas de comeback, j'ai des intérêts quand je rends des claques. J'ai des clics, clics, clac, bah. Si pas, ça se passe comme ça, tu respectes pas. Débarque sur la place en mode freestyle. Fondé mais de taille. J'fais de la maille et peu de détails. Ça passe ou ça casse. Sans permis ça tourne en caisse. Ça tourne à la tête. Retourne par ma veste. J'arrive et c'est la peste. Dans le rap j'écarte les fesses. PS j'te laisse pas test. On veut de la monnaie, du billet. Avec la plus belle bombe avoir un ticket. Kicker de la bombe et me faire piper. Assis sur mon canapé. Ça c'est la vie au B. Au B, au B, au B, au B.